Par économie, Louise voudrait aller passer le mois d'août chez des parents à elle. Ils habitent à la campagne dans une vieille ferme qu'ils ont restaurée. Ce sont des gens que je n'aime pas beaucoup. Nous avons passé 15 jours chez eux il y a 2 ans. Il a plu tous les jours, du matin jusqu'au soir. Je suis sûr que si nous y retournons, il va encore pleuvoir. Georges parle d'acheter une caravane et de camper. Le camping et le caravaning, comme on dit maintenant, c'est très joli, mais moi, j'aime le confort.